Le ministre de l'Intérieur a exprimé son analyse de la crise des banlieues. Pour lui, elle justifie le fait qu'il faut maintenant rompre avec le modèle social, économique et politique français dans la perspective de l'élection présidentielle de 2007. Si j'avais un reproche à me faire, compte tenu d'un certain nombre d'individus que nous avons eu en face de nous et de leur pédigré judiciaire, le mot racaille est sans doute un peu faible. Les raisons de 3 semaines de violence dans les banlieues, pour Nicolas Sarkozy, il ne faut les rechercher ni dans la crise économique, ni dans les discriminations, ni dans l'échec de l'école. La première cause du désespoir dans les quartiers, c'est le trafic de drogue, c'est la loi des bandes, c'est la dictature de la peur et c'est la démission de la République. À ce qui paraît, Sarko, tu projettes de passer le quart cher. Et pas moi, de ta putain de vie, j'en donne pas cher, ça crame. Et tu diras pas que tu l'as pas acheté cher. Les gens l'en bas te blâment, tu paniques quand ton respect perd en banlieue. Ton seul espoir, passer l'armée. Mais sache qu'aujourd'hui, c'est trop tard pour s'alarmer. J'avoue, ça sert à rien de buter un jet armé. Parfois, la seule solution, c'est de s'armer. Les émeutiers sont présents, toi t'es tout affolé. Sache qu'au sommet du pouvoir, tous tes partisans vont s'affaler. Je suis méprisant et résistant pour la cause. La haine dans nos cœurs et tant qu'on vivra, y'aura pas de pause. On implose comme les nombreux cocktails Molotov qu'on finit leur course dans un bus ou dans une Golf. Peu importe l'itinéraire, l'important c'est de comprendre pour quelles raisons nous menons cette guerre. La haine engendre la haine, la cœur de ce système. La violence engendre la violence, c'est ce qu'on appelle la vengeance. La haine engendre la haine, au cœur de ce système. La violence engendre la violence. C'est ce qu'on appelle la vengeance. Cette image de la France, tu l'avais trop souvent cachée. Aujourd'hui, la réalité vient t'entacher. Contre tes projets à chier, on est fâché, pas chaud. Pour finir dans ton cachot, t'es facho en bleu. J'en place une pour eux, aucune responsabilité. Et bien trop souvent peureux, mais heureux quand un des leurs est tremblant sur sa gâchette. Criminel dans les bavures, ça se fait muter et ça se rachète. Le mot racaille est sans doute un peu c'est fait. Pas la fête, c'est bien pour cela que Gecko joue les troubles fêtes. En fait, ça c'est un avec ma rage, peut-être que son science beat tournera la page. Mais j'en doute, y'a plus de courage car y'a plus de but. J'en ai rien à foutre car sous épuis y'a bien trop de buts. Alors j'dis-tu et que le peuple se soulève. Le combat continue et j'te le dis, y'aura pas de trêve. La haine engendre la haine, la cœur de ce système. La violence engendre la violence, c'est ce qu'on appelle la vengeance. La haine engendre la haine, au cœur de ce système. La violence engendre la violence, c'est ce qu'on appelle la vengeance. J'accuse comme Émile Zola, ces flics qui nous abusent pour les zapper, y'a que les whisky cola. Je veux pas finir du mauvais côté du polar. Connard, encore moins envie de finir tôlard sur mon sonar. Je détecte les ch'tards malhonnêtes, je leur enfile une balle. Avoue que ça fait mal au mic, ils ont la fleur au fusil quand j'y mets ma baïonnette. C'est fini, plus jamais je serai leur marionnette. J'accuse comme Émile Zola, ces flics qui nous abusent pour les zapper, y'a que les whisky cola. Je veux pas finir du mauvais côté du polar. Connard, encore moins envie de finir polar sur mon sonar. Je détecte les ch'tards malhonnêtes, je leur enfile une balle. Avoue que ça fait mal au mic, ils ont la fleur au fusil quand j'y mets ma baïonnette. C'est fini, plus jamais je serai leur marionnette. La haine engendre la haine, la cœur de ce système. La violence engendre la violence, c'est ce qu'on appelle la vengeance. La haine engendre la haine, au cœur de ce système. La violence engendre la violence, c'est ce qu'on appelle la vengeance. C'est ce qu'on appelle la vengeance.